Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Delbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Delbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel Saint-Félicien 418-679-4194. On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. C'est la première chronique de l'année. On revient en onde cette semaine. Salut Pascal. Salut Danny. Bonne année à toi. Bonne année. Les gens qui t'écoutent. Ben oui. Les gens qui me suivent sur Twitter maintenant, sur Facebook et ainsi de suite. Donc c'est quand même intéressant. Pascal, tu passes une belle fête. Très belle fête en famille. À chaque année, on se retrouve toute la famille du côté de mes parents. Puis c'est vraiment le fun. Fait que ça fait au-dessus de 40 ans qu'on. Je dirais même 50 ans, là. Ça fait au-dessus de 40 ans qu'on fait ça. Fait que c'est vraiment le fun à chaque année de se réunir tout le monde ensemble. Fait que, tout le monde est en santé puis tout va bien. Fait que c'est vraiment. Je suis chanceux de ce côté-là. Fait que ça a été des très belles fêtes. Bon, on va parler maintenant, Pascal, de ce qui s'est. De ce qui s'est passé durant le temps des fêtes. Ben, c'est la grosse nouvelle ce soir, évidemment, dans la NBA, le retour de Kawhi Leonard. Comment Kawhi Leonard va être reçu à San Antonio? J'ai l'impression que ça va être assez glacial. Ben, moi, je pense qu'il n'est pas bien parti. Fait que, attends, Danny, je pense qu'on va entendre un petit peu de bou. Ouais. Je pense qu'il va se faire huer probablement à chaque fois qu'il touche au ballon. Il y a eu un match Los Angeles contre Oklahoma City hier, et à chaque fois que Paul George, qui n'a jamais joué pour les Lakers, touchait à la balle, il se faisait huer parce que Paul George avait dit qu'il voulait jouer pour les Lakers. Ouais. Et lorsque les Pacers l'ont échangé au Thunder pour une saison, il a tellement aimé son expérience avec Oklahoma City qu'il a décidé de rester. Fait que là, on parle d'un joueur comme Kawhi Leonard qui lui a tout fait, là. Il a pas joué pendant une saison presque au complet. Il s'est pogné avec le management. Puis tu sais, Danny, dans l'histoire des Spurs, il n'y a jamais eu beaucoup d'histoires négatives. Non, hein? David Robertson qui a connu une belle carrière. Anthony Parker, que lui, c'est la semaine prochaine qu'il revient à San Antonio. J'ai l'impression que ça va être beaucoup moins émotif, beaucoup moins agressif que ce soir, j'ai l'impression. Exact. Tony Parker, on l'aime à San Antonio. Puis c'est une question d'argent aussi. Il y avait plus d'argent. Puis je serais pas surpris de voir Tony Parker devenir un entraîneur avec les Spurs éventuellement. Mais du côté de Kawhi Leonard, on sait que ça a été une séparation très négative. Ce matin, dans la conférence de presse, Greg Popovich, entraîneur-chef des Spurs, a dit « Regarde, on passe à d'autres choses. Le passé, c'est le passé. » Il dit « Quoi que je vous dise, les journalistes, vous allez faire votre propre conclusion. » Mais il dit « De notre côté, nous autres, on va de l'avant. » Puis tu sais, dernièrement, il y a le retour de Pau Gasol. DeMar DeRozan joue très bien. On pensait que les Spurs ne feraient pas les séries, mais là, je pense qu'ils sont en septième place. devant les Lakers au moment où on se parle en ce moment. Donc, Popovich, c'est vraiment un magicien. Il n'est pas considéré comme le meilleur entraîneur dans la NBA depuis les 20 dernières années pour rien. Là. Fait qu'il fait un très bon travail. Qu'est-ce qui a fait qu'il a duré aussi longtemps? Parce que si je m'abuse, c'est du sport professionnel, là. C'est l'entraîneur maintenant qui a la plus grande longévité, tout sport professionnel, tout sport confondu. Qu'est-ce qui a fait que, écoute, les athlètes depuis 96, Popovich, je pense qu'il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté au nouveau. C'est quoi la force de Greg Popovich? Moi, je pense que dans le sport professionnel, Danny, tu pourras vérifier ça, mais c'est très rare qu'un entraîneur, je dirais après 5 ou 6 ans, c'est fini. Les joueurs n'écoutent plus. Ben non, on passe à d'autres choses. Les propriétaires. Moi, je pense que Greg Popovich avec les Spurs San Antonio, c'est toujours une question d'organisation. C'est une question propriétaire, relation. Et je pense que c'est le seul entraîneur avec le directeur général, avec les propriétaires, qui se sont entendus avec l'organisation, où on a toujours donné l'espace à Greg Popovich de faire ce qu'il avait à faire. Il est peut-être pas le titre de président ou directeur général, mais c'est probablement lui qui a toujours pris les décisions au basketball. Il a du début jusqu'à maintenant toujours démontré et expliqué à l'organisation, dont les propriétaires, ce qu'il voulait faire, c'était quoi son plan. Et je pense que c'est une relation unique. Parce que souvent dans le sport professionnel, Danny, hein, on se frustre vite. Après une couple d'années, on se frustre. Si Carey Price joue pas bien, on aurait dû l'échanger. Ça veut dire on l'a pas échangé. Un joueur souvent va rester longtemps avec une organisation, de moins en moins maintenant, mais souvent dans les organisations. Mais un entraîneur, Danny, là, je serais surpris de savoir c'est qui l'entraîneur qui a la plus longue tenue dans tous les sports, là, basketball, football, hockey, baseball. C'est Popovich. Après Popovich. C'est Bill Belichick. Popovich, au-dessus de 20 ans. Bill Belichick, le coin. Ouais, ça fait combien d'années qu'il est là? Belichick est arrivé en 2000. Première en 2000. Année de Tom 99-2000. La première année de Tom Brady, c'était en 2000. Écoute, Bill Belichick, c'est le meilleur entraîneur de l'histoire, tout sport confondu. Puis je suis prêt à débattre tout sport confondu et de l'histoire. Moi, je suis pas prêt à débattre. Moi, je pense que Popovich, c'est le meilleur au basket, puis Belichick, au meilleur au football. Puis mais moi, je te parle de tout sport confondu. Je suis pas capable de mettre des oranges puis des pommes, tu sais. Okay. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Au football, c'est différent. C'est sûr que c'est au football, t'as quand même un entraîneur défensif. T'as 65 joueurs. Là, au basket, t'en as 14-15. Mais je comprends ce que tu veux dire, Danny. Je m'assinerai pas avec toi. On aura peut-être le temps de faire un show sur les meilleurs entraîneurs. Ouais. Mais je pense que la longévité d'un entraîneur démontre son succès. Moi, je pense que c'est vraiment une question de relation. Vraiment une question de relation avec les propriétaires. C'est aux nouvelles, parce que les êtres humains ont changé depuis 1996. Tu sais, Scotty Bowman était un autre grand entraîneur, puis Scotty parle aux anciens joueurs, dont Mario Tremblay, c'est un gars dur, mais à la fin, c'est un gars qui s'est adapté. Là. Exact. C'est la raison. Mais je veux revenir, parce que c'est le retour de Kawhi ce soir à San Antonio. Ouais. On en a parlé beaucoup des Raptors, mais pour les Spurs, est-ce qu'on est content de cette transaction-là pour le moment, là? Mais on n'est pas content parce que c'est une transaction qui a été forcée. On n'a pas vraiment donné l'opportunité à San Antonio de prendre une décision. Maintenant, je pense que DeMar DeRozan, si tu peux aller chercher un athlète étoile avec un ego très, très minime, c'est DeMar DeRozan. Et je pense qu'il rentre bien dans le système Popovich. Je pense que c'est pas un joueur qui prend plein de lancers. C'est un bon défenseur. Tu sais, c'est pas Kawhi Leonard, mais c'est un joueur qui fit bien dans un système, qui aime être dans un système. DeRozan, c'est vraiment la personne la plus frustrée de cette situation parce que DeRozan, il a tout donné. Il voulait jouer à Toronto, il l'a dit tout le temps. Absolument. T'as quelqu'un qui a tout donné à une organisation, puis t'as quelqu'un qui a tourné son dos à une organisation. Mais je pense que en ce moment, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. OK? Ouais. Mais si tu veux absolument un gagnant, je dirais que Toronto, premier de l'Est, est-ce que Kawhi va être capable d'amener Toronto en finale, non seulement de l'Est, mais en finale de la NBA? Et est-ce que Toronto va être capable de le signer? C'est surtout ça. Je vais te donner avec toi, Danny. Si les Raptors gagnent le championnat NBA, c'est sûr que Toronto gagne cet échange. On est d'accord avec ça? Ben, ils ont fait ça pour ça. Ils savaient très exactement. Bien. Exactement. Mais si les Raptors ne gagnent pas la NBA et que Kawhi quitte pour une autre organisation, là, on risque de retomber très bas. Ben, on a joué qui est tout double. Hein? Mais pour moi, je pense que Masai Ujiri a pris une opportunité avec une équipe qui était dans une situation soit qu'on reconstruit ou soit qu'on essaie de gagner. Et on a essayé de gagner et on a tout misé sur Kawhi Leonard. Et en ce moment, pour moi, c'est payant. On a joué qui est tout double dans ce cas-là. Exact. Exactement. Donc, écoute, les samedi soir, on parle beaucoup de ce match-là ce soir, mais samedi soir, il y a un duel au sommet. Les Raptors vont être à Milwaukee, les deux meilleures équipes de la NBA. Ça fait du bien de voir les Bucks là. Hein? Les Bucks, est-ce que dans leur histoire, je ne les ai pas trop vus souvent là. Hein? Ben, il faut aller jusqu'à, je pense, 71, 72 avec Oscar Robertson, avec Curry Mabou. Ben, c'est là que les Bucks ont gagné un championnat NBA, Danny. Mais ils n'ont jamais été. Parce que ça. Oui, ça fait quoi depuis les premiers matchs RDS, c'était Robert Como. C'est depuis 93 que je suis la NBA. J'ai jamais vu les Bucks en grande. Non, je pense que dans les dernières saisons, ils étaient très compétitifs parce qu'ils ont une vedette un joueur qui est prêt à devenir un des 10 meilleurs joueurs de la NBA en Giannis Antetokounmpo. Mais la venue de Budenholzer, l'entraîneur-chef d'Atlanta qui est rendu maintenant avec Milwaukee, qui est en passant un disciple de Greg Popovich, c'est l'équipe qui prend le plus de tirs de 3 points, mais leur meilleur joueur en prend presque pas. Ça, c'est assez bizarre. Mais c'est une équipe. Ils sont très bons défensivement. Ça risque d'être une. Moi, j'anticipe une finale Milwaukee-Toronto dans l'Est. Toi, tu parlais de Boston, mais je pense qu'à Boston. Non, le job est au vache à Boston. Je regardais encore À Philadelphie non plus. À Philadelphie, on s'est débarrassé. On avait 3 bons tireurs de 3 points l'année passée. Il en reste seulement un qui est J.J. Redick. On s'est débarrassé de Eliasova. On s'est débarrassé de Covington. Donc, du côté, et Dario Saric qui n'est plus là, qui était un 6 pieds 9 qui pouvait prendre des titres de 3 points. Je pense qu'on a mis la balle dans les mains de Ben Simmons puis de Joel Embiid, on se trompe pas. Mais on s'est trompé avec Marco Fultz, le premier choix qui fait absolument rien, qui est même pas avec l'organisation. Fait que, du côté de Boston, comme tu as mentionné, et du côté de Philadelphie, on a beaucoup de problèmes à l'interne à régler. Mais du côté des Raptors puis de Milwaukee, les Raptors ont quelques blessures. On sait que Kyle Lowry, je pense qu'il est problème au dos. Mais en passant, Kyle Lowry, ses problèmes au dos, il a juste pas joué contre DeMar DeRozan. Ça, c'est une question, Danny, que je te pose. Mais la blessure à Valanciunas, mais ce sont des équipes, une fois, qui vont être à 100%, très dangereuses. Mais il n'y a pas de problème à l'interne, selon moi, du côté des Raptors et des Bucks de Milwaukee. Non, ça risque d'être une longue série. Hein. Ça risque d'être très, très long. Il y a toujours une équipe qui est là. Est-ce que les Bucks ont gagné les deux, le premier ou le deuxième match, je pense, Milwaukee? Est-ce que tu penses que... Parce que là, la date limite des transactions s'en vient dans la NBA. C'est beaucoup plus bonheur que dans la Ligue... Dans le coin du 9-10 février. OK. Je pensais que c'était à la fin janvier. De toute façon, je n'étais pas tellement loin. Là. By the way, Pascal, est-ce que tu penses que le fait que les Bucks performent, Masai, tu sais que c'est quitte ou double, c'est là qu'on en a parlé. Est-ce que Masai va rebouger? Peut-être des joueurs de profondeur, peut-être? Masai est toujours à l'écoute. Je pense que les 30 directeurs généraux de la NBA sont à l'écoute. On regarde qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui manque à Toronto? Moi, je pense qu'il manque à rien si Valanciunas est en santé et Kyle Lowry, on a un des meilleurs bancs dans la NBA. Donc, qu'est-ce qui manque vraiment aux Raptors? C'est vraiment dur à savoir. Je pense que moi, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire là, mais j'échangerais peut-être Kyle Lowry. Je pense que Kyle Lowry n'est pas à 100% derrière l'organisation. Je pense qu'il reste l'entraîneur Nick Nurse, mais je pense, selon mes petites sources, que lui et Masai Ujiri, ils se parlent à peu près pas. Je pense qu'il l'a mal pris, le changement de Rosen. Il l'a pris personnel. C'est des très grands amis. Ouais, il l'a pris personnel, puis moi, ben peut-être que s'il y a un échange à faire, mais est-ce qu'il y a un preneur pour Kyle Lowry, je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose à surveiller. OK. Pascal, si tu permets, on va faire une pause puisqu'il reste encore beaucoup de publicité du temps des fêtes. Donc, vous êtes à l'écoute de notre avec Pascal Jobin sur les ondes de danadosport.com. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bruin-Fortin au numéro de téléphone 276-86. Son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Jean-François Beaulieu, directeur général de la maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins et Plaine-Montréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! On est de retour à danslesport.com. On a Pascal Jobin. Pascal, évidemment, il y a beaucoup de publicité du temps des fêtes, donc il y en reste encore. Je veux te parler des Lakers de Los Angeles. Le soir de Noël, LeBron James a été blessé. Et là, on parle qu'il manquerait un match encore. Les Lakers, évidemment, c'est une belle lancée. Comment tu vois ça, la blessure à Kawhi? Ben, je pense que c'est le timing est pas mauvais. Si pour se blesser, tu veux qu'il se blesse maintenant, pas en fin de saison. Mm. Je pense qu'en ce moment, on a vu, lorsque LeBron, les Lakers ont gagné ce match-là, ça a été très positif par rapport aux jeunes joueurs de Los Angeles. Rondo a connu un excellent match. Mais non seulement on a perdu LeBron dans ce match-là pour ce qu'on appelle jour à jour, mais peut-être pour deux semaines, on a aussi perdu Rondo. Mm. Rondo s'est blessé à la main, il était opéré. Donc on sait que Rondo, c'est minimum un mois. Ouais. En ce moment, leur fiche est 1-4. Une victoire, 4 défaites dans l'absence de LeBron et de Rondo. Mais je ne serais pas surpris de voir LeBron retourner la semaine prochaine. On a quand même une horaire assez le fun. Là, on a passé de quatrième place avec cette victoire-là contre les Warriors. On est rendu en huitième place. Mm. Donc, on a la dernière place dans l'Est en ce moment. Ça va vite, mais faut pas se mentir. Danny, du côté de l'Ouest, je pense qu'entre la 11e et la 3e, il y a deux matchs. Ouais. Fait que si tu as la chance de regarder là, sur le classement des équipes, tu vois que du côté de l'Ouest, ça va se battre toute l'année là, jusqu'à la fin de la saison. Mais on a quand même passé de la quatrième place à la huitième place en l'espace de 5 matchs. Donc, faut faire attention du côté des Lakers. Mais donc, le retour de LeBron va aider, mais l'affiche aussi, je pense qu'on a les Knicks, on a Brooklyn, on a des Cavaliers, on a des matchs qu'on devrait gagner, selon moi. T'sais. OK. Mais ça va être important de voir le retour. C'est pas mauvais de voir les jeunes joueurs quand même performer. C'est pas, ils ont perdu des matchs là, qu'ils menaient contre Sacramento, qu'ils auraient dû gagner. La seule défaite que je lui donnais, c'était contre Oklahoma. City avec Paul George et Russell Westbrook. Mais ça va être important pour eux autres de voir. Puis là, tu parlais des échanges. Je suis pas convaincu à 100% que Brandon Ingram et LeBron James vont jouer bien ensemble. Mmh. Je pense que LeBron joue bien avec tout le monde, mais est-ce que Ingram et le joueur Kuzma, Josh Hart, ça c'est des joueurs que ça va super bien avec LeBron. Lonzo Ball, ça va super bien avec LeBron. Mais le seul joueur qui est intriguant et que je dirais la moitié des équipes, sinon deux tiers de la NBA voudraient avoir, c'est un Brandon Ingram. Tu comprends? Okay. Ouais. Ça va être intéressant de voir pendant la séquence, pendant février, est-ce qu'on échange Brandon Ingram. Mais moi, je pense du côté des Lakers, on va attendre cet été pour aller chercher peut-être. Je sais que tout le monde parle d'Anthony Davis. En ce moment, ça va vraiment pas bien à la Nouvelle-Orléans. Là. Ouais. On est avant-dernier. Je pense qu'ils sont avant-dernier dans l'Ouest avec un méga star comme Davis. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Puis c'est pas qu'il joue pas bien. Là. Je pense qu'hier, il a fini avec 32 points, 26 rebonds dans le match. Là. Ouais. C'est pas comme s'il jouait pour se faire échanger. Là. OK. Pascal, juste parler des Celtics. Les Celtics sont au cinquième rang. On les voit, les observateurs les voyaient deuxième ou troisième. On l'a dit, je l'ai fleuri tantôt. Avant les fêtes, il y a même eu une cellule de crise, comme qu'on dit. Là. Est-ce que tu penses que le poste de Brad Steven est en danger? Lui qu'on voyait comme un vraiment un génie. Le poste de Brad Steven n'est pas en danger. Brad Steven est un génie sur le terrain, un génie de stratégie. Est-ce qu'il est capable de gérer les égos? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est du Phil Jackson. Ça. Exactement. Et je pense qu'en ce moment, du côté de Boston, ça va pas bien parce que Brown et Jason Tatum, ce sont des joueurs vedettes. Et lorsque Gordon Hayward, là, on essaie de réintroduire Gordon Hayward et Kyrie Irving. Et tu sais, dans l'absence de Kyrie Irving, on voit une équipe complètement différente. Complètement différent. Les joueurs sont, le ballon bouge beaucoup plus parce que Kyrie Irving, c'est drôle, il s'est plaint de vouloir être dans l'ombre de LeBron James. Mais lorsqu'il jouait avec LeBron James, Danny, c'est lui qui prenait le plus de tirs dans un match. C'était pas LeBron James. Moi, je m'excuse, mais Kyrie Irving, il s'est plaint le ventre plein. Comprends-tu? Okay. Et je dis ça en voulant dire que tu voulais qu'on parle de toi à chaque match. À la défense de Kyrie Irving, lorsque Cleveland a gagné le championnat contre les Warriors, la personne qui a rentré le panier gagnant, c'était Kyrie Irving. Faut pas se le mentir. Mais on n'en parle même pas. Okay. En disant la vérité. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est LeBron James. Mais LeBron James, c'était presque un triple doublé à 30 points par match. Et là, il est à Boston. Il domine le ballon. Et Brad Stevens, c'est pas un entraîneur. On a vu des Celtics l'année passée avec Gordon Hayward et Kyrie Irving sur le banc. Presque battre les Cavaliers pour se rendre en finale NBA, pensez-y, Daniel. Ouais. Pour se rendre en finale NBA avec les deux supposés stars qui ne jouaient pas. Et c'est là le talent de Brad Stevens. Et je pense que Danny Ainge, qui est considéré comme le meilleur directeur général de NBA en ce moment, il va se passer quelque chose. Est-ce qu'on garde Kyrie Irving? Est-ce qu'on échange Kyrie Irving? Est-ce qu'on peut changer Kyrie Irving? Est-ce qu'on garde Terry Rozier? Il va se passer quelque chose du côté de Boston avant les Raptors. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose, selon moi. Non, cinquième, c'est inadmissible. Ça devrait être troisième à peu près. Mais, tu sais, je suis d'accord avec toi. Avec les Bucks et les Raptors, on ne devrait pas être loin de ces deux équipes-là. Pascal, gros merci. Encore une fois, je te souhaite une belle année 2019. J'ai de la musique 2018. 2019, une présence des Raptors en finale de la NBA. Tu me disais que le basketball, ce serait un boost terrible. Tu me disais que ça allait très bien. Je sais que ça va très bien, mais ça irait encore mieux si les Raptors atteignent la grande finale de la NBA. Je pense que dans les dernières années, Danny, avec des shows comme le tien, on parle du basket, toi tu parles du sport, c'est important, mais je pense qu'en ce moment, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a autre chose que tu sais de quoi je vais parler. Et je pense que c'est le fun, mais le basketball, pour moi, au Canada, est en santé. Universitaire, secondaire, des joueurs, t'as des Jamal Murray, puis chez Alexander, qui joue pour les Clippers, on a des Canadiens dans la NBA qui performent. Ouais. Exactement. Donc, le basketball, le Canada est en santé. C'est sûr qu'avoir les Raptors en finale NBA, ça, c'est encore plus fun. Mais je pense que c'est le fun ce qui se passe au niveau du basketball au Canada. Mais moi, je trouve qu'il y a eu une grosse amélioration cette année. Absolument. La couverture des médias. Tu sais, comme Pascal, on en a fait beaucoup, on en a parlé, c'était beaucoup, beaucoup. Mais cette année-là, il faut le dire, RDS a fait un bel job. Ils ont un podcast régulier. Ils ont un match toutes les semaines. Comme tu avais déjà dit, Pascal. Je l'ai déjà dit, puis la NBA, elle est là, elle existait, mais là, au niveau des médias francophones, même à la radio, j'entends, on parle des Raptors. Ouais. Tu sais, le score des Raptors, qu'on parle de la NBA, mais on parle des Raptors, et ça, je trouve ça vraiment le fun. Oui, effectivement. Pascal Jobin, un gros merci, on s'en parle dans deux semaines. Merci, bonne année. Collaborateur, Pascal Jobin.